All right. First of all, I want to thank the organizers. It's a great honor and pleasure to be here talking to you. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier de l'organisation, que tout le monde soit là. Et merci beaucoup. Et je suis très content de vous parler. And thanks to Mohammed for extremely brilliant and generative comments. It's really rewarding and gratifying after having worked on a book project like this to get a reader with such incisive thoughts. Merci beaucoup aux commentaires de Mohammed. C'est toujours un grand plaisir d'avoir écrit un livre et ensuite d'avoir des commentaires, des retours aussi précis et inattendus en partie. Yeah, so I mean, I really have no major objections. I think your hypotheses are extremely promising and intriguing, and this line of inquiry into the relation between secularization and fossil capital I applaud it. It's a wonderful project. En tant que tel, j'ai pas d'objection fondamentale il a pas d'objection fondamentale au projet de Mohammed. Justement, ses hypothèses de travailler le cheminement de la sécularisation, de le lier à l'empire du capital, ça lui semble très prometteur et soulever énormément de questions qu'il s'agit encore de continuer à étudier. What I'll do is just I'll offer a few thoughts on some of the themes. And first of all, try to explain some of the background to this book. I'm not taking for granted that all of you have read it. Je vais juste partager quelques hypothèses que m'inspirent ces propos, que réexplique aussi le but de ce livre au départ, qu'il n'est pas sûr que tout le monde l'ait lu ici, donc il revient aussi un peu sur ce livre. So, we're a group, the Zetkin Collective, 20 people who have looked into what the far right has said and done about climate and energy in 13 European countries, plus the US and Brazil. And this is the sort of starting point of the book. What is the contemporary far right doing in the climate crisis? Le Zetkin Collective, c'est un collectif d'une vingtaine de personnes. Ils ont exploré là tous les liens entre le racisme et le fossile du capital à travers plein de pays et de continents, et notamment en Angleterre, au Brésil, aux États-Unis, et qu'ils essaient d'avancer sur ces connexions. And the project started with the insight that there is a research gap or a lack of understanding and study from an academic standpoint, but also from a political standpoint, of the intersections or articulations between far-right politics and the ecological crisis. Ils sont partis de l'hypothèse qu'il y avait un manque, une absence, pour penser ces relations entre les politiques d'extrême droite et la crise climatique. Donc il y avait beaucoup de travail à faire sur ces connexions. We had originally thought that we were going to write one academic article, but we realized that we have so much material and there's so much that has happened on these various fronts that it will be enough for a book. And the French edition is massively abridged, so the English edition, which was published just the other week, is at least a third longer, maybe more. Au départ, ils devaient faire un article académique, mais ils se sont aperçus qu'ils avaient tellement de matériaux qu'ils en ont fait un livre. Et la version française est presque la moitié de ce travail parce que la version anglaise qui vient de sortir est un tiers plus longue encore. Ils accumulent beaucoup de matériaux sur la question. And still, we have only scratched the surface, I think. That's one reason why this project, the Zetkin Collective itself, will continue with other kinds of work. It's extremely heartening to hear other people thinking about these things, and of course we're not the only ones working on this intersection. More work is coming. Ils commencent juste à ce travail-là. Ils ont l'impression de vraiment gratter à la surface pour l'instant, et ils continuent de travailler dans la direction de fossil capital. Évidemment, ils ne sont pas non plus les seuls à travers le monde à travailler sur ça, et c'est de réfléchir à cette intersection entre racisme et fossil capital. Et ils continuent. Ils en sont vraiment au début de leur recherche. Now there are many aspects in this book that should have that would have deserved a greater space, class being one of them, gender another, and there are some aspects that are missing completely. And one aspect that is missing completely is the far right in relation to religion and secularism. Il y a beaucoup d'espace manquant dans ce livre, notamment autour de la classe. Il aurait pu en être dit plus autour du genre, et effectivement aussi un autre des manques, c'est autour de l'utilisation que fait l'extrême droite et la far right, l'ultra droite, des questions religieuses. One reason that aspect is missing, it's only one. Obviously, it's a matter of space. But one reason it's missing is that if we had gone into the relation between the various parties and presidents that we have looked at, their relation to religion, you'd find a great diversity. Because some very important parts of the far right that we look at, that are the most extreme in their denial of the climate crisis and in their promotion of fossil fuels, are what I would say quite religious parts of the far right. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une des, bon, c'est une histoire d'espace dans le livre, de plein de choses, mais une des raisons, c'est qu'ils trouveraient, en étudiant la question de la religion, ils auraient trouvé une grande diversité des positions du côté des partis d'extrême droite et d'ultra droite. Et dans leur articulation que l'extrême droite fait entre la crise climatique, l'extraction fossile, pour le coup, ils ont l'impression que même dans ces groupes-là d'extrême droite et d'ultra droite, il y a en partie des groupes religieux qui avancent toutes ces positions. So the Republican Party in the US, which is at the center of the story necessarily, has, as you know, a very aggressive evangelical Christian wing that is also very aggressive about boasting about boosting fossil fuels. And one critique that we have received is that we're overlooking this religious dimension, not the secularist, but the religious dimension of the far right. And I think we can plead guilty to that too. For instance, one a book that seems very important that I haven't read yet and that we should have perhaps have included in the book, but that would have pushed us in another direction, is a book, I think its title is Anointed in Oil, which is the relation between the Christian right and the fossil fuel industry in the US. Alors, évidemment, par exemple, dans ces partis très d'extrême droite, très religieux, il y a le Parti républicain américain qui, de toute évidence, a joué un grand rôle dans l'histoire de l'extraction fossile et continue de le jouer. Et ils insistent dans le livre, et ils sont presque religieux, qu'ils insistaient trop sur la dimension religieuse de ce parti, qui, comme peut-être chacun sait, est très évangéliste, très chrétien, a une politique d'évangélisation très très agressive en Ouganda, enfin dans plein de pays, et une politique comme ça de très. Et yeah, can I go on? Yeah, yeah. And it's very much the same with the Bolsonaro regime, which is also pretty extreme in its evangelical Christianity. It's the same with the Law and Justice Party in Poland, which is very extreme in its Catholicism, and with the Progress Party in Norway, which is quite close to the evangelical Christian right in Norway. Bolsonaro au Brésil est aussi un extrémiste, un évangéliste très actif. En Pologne, Law and Order, j'ai raté le nom du parti exactement, mais est très catholique. Et en Norvège aussi, le Progress Party a une politique religieuse très, très agressive également. And the Islamophobia of these four actors, and these four actors are pretty central to our story, because in all of these four cases, we're talking about far-right regimes that have had direct control over fossil fuel reserves in their countries. In all of these four cases, Islamophobia is filtered through religious perceptions, at least as much as a kind of secularized racism, if you like. Parmi ces quatre acteurs d'ultra-droite, très importants, et très importants dans leur livre, les quatre ont joué des grands rôles dans l'extraction directe des fossiles, dans la maîtrise des réserves. Les États-Unis, la Norvège ont des gros, gros rôles dans la maîtrise. Et les quatre sont très islamophobes et définissent ça à travers des perceptions de la religion très importantes. So, Polish Islamophobia and more generally Eastern European Islamophobia in Hungary, in the Balkans, and Italian Islamophobia, as represented by, for instance, Matteo Salvini, is often an Islamophobia inflicted and, you know, how shall I put it? Yeah, a religiously inflicted, a Christian Islamophobia, to some extent. Les différentes islamophobies, notamment, par exemple, Matteo Salvini en Italie, sont toujours des islamophobies qui sont infligées ou exercées à travers des discours de chrétienté et à travers l'appui de la religion chrétienne. So I think secularization as a paradigm for understanding these things works in some cases, France being a very obvious case, Sweden being another one. Our far-right party is fairly much on the secular line in its attacks on Islam and Muslims, although there is a Christian current within it. which I think goes for the far right here as well, with a kind of Catholic far right you have. Since our starting point for this inquiry is the contemporary far right, secularization couldn't be a central theme because of these religious actors. Il a l'impression que vu que par exemple la Suède et les différents partis qu'ils ont étudiés dans le livre sont très très religieux et affirment tout à travers ce discours-là, le concept de sécularisation n'était pas forcément adéquat pour être employé pour arriver à décrire ces formes d'islamophobie qui passent beaucoup par des discours religieux dans tous les partis d'extrême droite et d'extrême droite moderne. Now, what we're trying to do in the book, then in the later stages of the book, is to go deeper back into history and see what are the deeper roots of this political constellation that we see in the present, with the far right defending business as usual and fossil fuels. I'm leaving aside for the moment green nationalism, the kind of far right ecology that you see expressed by Rassemblement National these days, and so on. And that takes us back to the 19th century. With inquiries, precisely as Mohammed explained, into the situation with Egypt and the decline of the Ottoman Empire, Muhammad Ali and those things. Ils reviennent là récemment plus largement dans le passé aussi pour essayer de comprendre, la trajectoire un peu de ces groupes d'extrême droite aujourd'hui et pourquoi ils défendent un peu le business as usual, l'extraction fossile. Il insisterait pas trop là sur la façon dont on peut être défendu une espèce d'écologie nationale, comme le fait le Rassemblement National en France, mais ils reviennent beaucoup au 19e siècle pour toutes ces questions. But here we're even more superficially really scratching the surface and leaving out a tremendous amount of historical material that needs to be investigated. And when we focus on the war in 1840, which was a war between the British Empire and Egypt, and a very central war in the modern trajectory of the Middle East, that focus could in a sense be questioned, because the argument here is that so the first time the British Empire used steamboats on a large scale was when the British Empire defeated Egypt in 1840, and this was, by the way, also the first time that the British Empire started considering transplanting Jewish colonies into Palestine. So decades before the Balfour Declaration, in the wake of the war against Muhammad Ali in 1840, Lord Palmerston, the foreign minister of UK, said, wouldn't it be a great idea if we could send our Jews into Palestine and establish colonies in the wake of this victory? Ils sont encore plus en train de gratter simplement la surface en plongeant au 19e et en prenant l'exemple que Mohamed a rappelé de 1840, la guerre contre l'Égypte, c'est que c'est le premier moment où l'Angleterre, l'armée, mobilise la vapeur pour gagner et pour écraser ses adversaires. Et qu'au même moment, après avoir vaincu, le ministre de l'époque anglais, j'ai oublié son nom, mais il propose aussi d'envoyer d'ores et déjà en Palestine des Juifs pour coloniser le pays, enfin pour occuper cet endroit, tout ça. Il y a une connexion aussi à cet endroit-là. However, steamboats were used in military expeditions before this war in 1840. In fact, the first steamboat built by the French Navy, the Sphinx, was part of the expedition that conquered Algiers in 1830. Et en même temps, les bateaux à vapeur militaires ont déjà été utilisés, notamment par l'armée française, pour conquérir l'Algérie. Apparently, that warship wasn't central to the military battle itself, but it was the boat that ran home to Paris to deliver the news that we have now conquered Algiers. Ce bateau n'a pas joué un rôle central dans la bataille apparemment, mais c'était le bateau qui a servi à ramener l'information de la victoire à Paris rapidement. So there is I think there is a history of the role of steam power, because the French Navy was relatively rapid in its adoption of steam power. I think there is a history of the role of steam power in the subjugation of Algeria that is yet to be told. At least I haven't seen it in English. Maybe there is something of that kind in French. I don't know. Il y a probablement une histoire à faire des connexions entre les bateaux à vapeur, enfin l'usage de la vapeur militaire, par la force navale française et la connexion de l'Algérie. Mais il ne sait pas s'il y a des travaux qui ont exploré cette connexion. Let me just offer a few more thoughts about this, because I'm a history nerd and I like this kind of environmental histories, and I think there is an enormous amount of research that still remains to be done, notably on how the global diffusion of steam power and its associated technologies was perceived by subaltern people around the world in the global south. Subaltern, oppressed. Oh, okay. Et il est un peu nerd de l'histoire, comme il dit, donc il a envie de donner quelques pensées de plus sur ça et sur la façon dont ça a été vécu par les groupes subalternes à travers. So, for instance, we know that in the great Indian revolt in 1857, rebels destroyed locomotives and tried to rip apart steam engines and things like that as part of the revolt against the British Empire. But there are, I'm sure there is almost a universe of stories and perceptions about this onrushing technological complex as seen from below that hasn't yet been studied. Par exemple, en 1857, les révoltes indiennes contre l'empire colonial anglais ont beaucoup détruit les machines à vapeur, les trains à vapeur, et qu'il y aurait tout un univers de bataille et de sabotage de la vapeur dans ces contextes-là à explorer. Et il est sûr qu'il y a un immense travail qui pourrait être fait dans cette direction. I have an Egyptian, a brilliant Egyptian PhD student who's working on the adoption of steam power in Egypt in the later parts of the 19th century. And he has uncovered stories of Egyptian peasants sacrificing bodies to the steam engine. And he hasn't certified that these stories are actually true, that there were at any point such sacrifices. But the very fact that you have those stories is interesting because they seem to suggest a cultural perception that isn't entirely illogical of the steam engine being this almost demonic force that is propelled through some kind of invisible inner source, with the Egyptian peasants having to propitiate this jinn in Arabic, this spirit that sits inside the engine. Il a un exemple à travers un collègue qui travaille sur l'Égypte de sacrifices paysans effectués en faveur de la machine à vapeur. Et il ne peut pas vraiment encore pour l'instant vérifier ces hypothèses, mais ça laisse penser que la force de la machine à vapeur était associée un peu aux démons, aux forces démoniaques, et que les paysans égyptiens à ce moment-là perpétuaient les traditions de bataille contre les djinns, ou D-J-I-N, et contre les formes démoniaques à travers ce genre de sacrifice, et qu'il y aurait là aussi des connexions à explorer. Yeah, so I have an idea that I've discussed with some colleagues that we should try to have a kind of conference or historical project to try to uncover as many of these stories as possible from around the world, because part of the values of these stories is that they explode the idea of the Anthropocene being, you know, this human enterprise that is created by the human species as a whole, when in fact it was inherently antagonistic and conflictual throughout the 19th century. Et voilà, il y aurait tout un projet à faire autour de ça, de voir comment ces questions-là ont été mobilisées à travers le 19e siècle, et il discute avec des collègues pour essayer d'avancer dans cette direction. And what we do in this book is we just again scratch the surface about how this story was told from the side of the winners, with techno-racism being one way of processing this kind of victory that we white people are superior because we own and rule these technologies. But of course, there were stories told from below as well that we don't deal with in this book. Il continue avec ce livre à gratter un peu le premier des problèmes et d'explorer notamment comment cette histoire a été racontée du point de vue des vainqueurs qui glorifiaient la technologie, les pouvoirs de la technologie, tout en disant que c'était la race blanche qui était maître de ces technologies et puissante et brillante, etc. Et qu'en fait, d'en bas ou d'une autre façon, il y aurait plein d'histoires à aller trouver, de contre-histoires, de contre-versions, d'un autre continent autour de ça. Yeah, and I'm personally very interested also in the history of how fossil fuel technologies have been used by Western empires to dominate the Middle East, which is the part of the world that I have in my own life been most interested in, including not the least Palestine. Et il serait surtout intéressé aussi pour voir comment les pouvoirs capitalistes en Moyen-Orient ont utilisé les capitales fossiles, la puissance des fossiles, pour leur pouvoir politique, économique, pour contrôler, notamment en Palestine. And for me, with a background in the Palestine Solidarity Movement, it's fascinating that the first real war where the steam engines were used to destroy cities happened in Palestine, in Akka. That was the city that was utterly destroyed by the British Empire in 1840. A city where you had some quite significant unrest just the other week. C'est quand même notable que la première fois que la machine à vapeur est utilisée par la guerre par l'Empire anglais de façon brutale et pour détruire toute une ville, c'est en Palestine. And when the British Empire eventually colonized Palestine, the key emerging energy source was of course oil, and the major infrastructural project of the British mandate in Palestine was the pipeline that ran from Kirkuk in what is today northern Iraq, and what was at that point also all the way over to Haifa. And I just read, when the most recent war happened in Gaza, I was again drawn back to reading on Palestine, and I read a wonderful biography of Azzedine Al-Qassam, a central figure in Palestine, really at the border of religion and nation. And the description of the Haifa where he preached really is a description of a town, of a Palestinian town that is overtaken by fossil fuel technologies, with a pipeline and the refinery and the railroads being the new emerging technologies of the empire there. Il rappelait que l'empire anglais prenant le contrôle sur Palestine s'est beaucoup intéressé évidemment au pétrole à cet endroit-là, et qu'un des premiers mandats de cet empire colonial c'était le pipeline qui allait de Kirkuk dans l'actuel nord de l'Irak jusqu'à Jaffa. Et même là, récemment, en relisant par rapport à ce qui se passe à Gaza, la biographie d'El-Qassam, il s'est aperçu que la ville dans laquelle il priait, Haïfa, était très liée à l'exploitation fossile et aussi à des pipelines, des raffineries, tout ça, et qu'il y a encore là des connexions importantes. And of course, you could see the most recent orgy in destruction in Gaza as an extremely advanced military, completely running on fossil fuels, just pulverizing houses and infrastructure in Gaza. So I think it's interesting to study Palestinian history from this perspective, but I'm sure there is a lot of research on this that I'm not aware of. Et par exemple, Gaza évidemment fait face à une armée qui dépend énormément de l'énergie fossile, très très avancée technologiquement, qui en fait surutilise l'énergie fossile pour son fonctionnement et qui aurait aussi toute une histoire militaire par rapport à ça à faire. Il est sûr qu'il y a des gens qui recherchent sur ça. I don't have any objections to anything that Mohammed said on the role of the state, the fossil state, its relative autonomy, Orientalism in the Anthropocene, the general argument around race and religion and Islamophobia, I accept, and just encourage further work on that. So I'll leave it there. Voilà, il a pas de commentaires encore une fois critiques et tout ça, et vraiment sur l'autonomie relative de l'État, sur les questions du lien entre religion et capital fossile, il pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser autour de ça. Moi j'ai juste un truc à dire sur la sécularisation et le rapport à l'évangélisme. Tout dépend de la manière dont on comprend la sécularisation. Si on oppose la sécularisation à la religion, ce qui est faux, là, évidemment, on peut dire que l'aspect chrétien évangéliste de ces partis islamophobes est opposé à une dynamique de sécularisation. Mais ça suppose d'avoir un concept de sécularisation qui l'identifie au déclin de la religion, la sécularisation comme déclin, une conception qui est précisément problématique. Et il y a pourtant quelque chose chez Marx lui-même, donc d'une certaine manière dans la tradition marxiste, qui va dans un autre sens, qui est cette idée selon laquelle ce qu'on appelle la sécularisation, au moins de l'État, est en fait indissociable de la séparation entre État et société civile. Et ça signifie en fait qu'il n'y a pas de déclin de la religion, mais une reconfiguration du statut même de la religion, puisque précisément, elle devient privée, mais parce qu'elle devient une partie intégrante de la société civile, donc du capitalisme. Et ça permet des phénomènes d'intensification, en fait, de la religion elle-même. Au fond, elle devient plus importante. Et surtout, elle prend des formes différentes. Et à mon sens, l'émergence de l'évangélisme, qui est un courant relativement tardif, en fait, dans l'histoire du protestantisme, et qui date à peu près de la même époque, fin 18e, début 19e, fait partie de cette dynamique-là, en fait. Et la deuxième chose, qui est pareil, hein, c'est pour aller dans le même sens, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'est une proposition. Ça serait intéressant de voir comment ces parties que vous étudiez dans le collectif, quelle est leur histoire, comment est-ce qu'ils sont liés justement aussi au développement de l'économie fossile? Comment est-ce qu'ils sont liés à l'histoire de l'Empire? Puisque l'histoire que Malm mentionnait, et même en fait cette date vers 1840, la décennie 1840, est aussi un moment à travers lequel il y a des alliances, par exemple, dont l'alliance anglo-prussienne, qui est liée au réseau évangélique et qui organise précisément une présence des missions protestantes dans l'Empire ottoman et notamment en Palestine. Donc à mon avis, ces parties, il faut aussi les réintégrer à travers cette histoire-là. Sans présupposer, à mon sens, hein, après, voilà, c'est une proposition, sans présupposer que dès lors qu'on a affaire au christianisme ou à la religion, on a affaire soit à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la sécularisation, alors que précisément ça en fait partie, et qu'on aurait affaire à quelque chose qui est religieux, donc en fait hors de l'histoire, alors qu'il y a une transformation interne de la tradition chrétienne que eux-mêmes représentent. Et la dernière chose, c'est que, ça va dans le même sens, pour historiciser l'émergence de ce discours chrétien évangéliste, il faudrait prendre le rapport qu'ils ont à l'islam comme étant central, comme les déterminants en fait, et non pas comme quelque chose qui se serait surajouté à leur discours après coup, récemment. Voilà.